J'étais malade. J'ai été malade. Hein? Il s'est couché tard. Il se couchait tard. 2. J'ai aimé ce pays. J'aimais ce pays. 3. J'étudiais. J'ai étudié. 4. On se promenait. On s'est promené. 5. J'ai voyagé. Je voyageais. 6. J'adorais danser. J'ai adoré danser. 7. Il s'est levé tôt. Il se levait tôt.